La réunion nationale des exemplaires du secteur de planification a eu lieu le 5 septembre au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. La réunion a analysé des succès, des expériences et des leçons de l'application de la politique du Parti Travail de Corée en matière de planification de l'économie nationale et discuté des tâches et des moyens pour rehausser le rôle des responsables du secteur économique et des personnes du secteur de planification dans l'application de la ligne stratégique de l'éducation d'une puissance économique précisée par le 7e congrès du Parti et de la stratégie quinquennale pour le développement économique de l'État afin de développer davantage la planification. À la réunion ont participé le Premier ministre Park Bong-joo et les cadres responsables des organismes du parti, des forces armées, du pouvoir, des ministères et des établissements centraux, des provinces, des villes et des arrondissements, des établissements, des usines, des entreprises et des fermes, ainsi que les fonctionnaires exemplaires de planification de tout le pays. Oh Soo-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, a transmis l'œuvre historique Améliorer la planification est l'impératif de l'éducation d'une puissance économique socialiste, publié par le maréchal Kim Jong-un le 3 septembre de l'an 105 du juillet 2016. Cette œuvre classique sert de guide de programme à maintenir pour accélérer l'éducation d'une puissance économique par la mise en valeur de la supériorité de l'économie planifiée socialiste conformément aux exigences du développement de la réalité et opérer un nouveau tournant révolutionnaire dans la planification de l'économie nationale grâce à la responsabilité et au rôle élevé des responsables du secteur économique et des fonctionnaires chargés de la planification. On a écouté le rapport du Premier ministre Park Bong-joo, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti Travail de Corée, et des interventions.